بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، nous continuons bi'idhnillah nos cours de tafsir, et nous avons terminé la semaine dernière tafsir de surat At-Tin. Et donc nous allons commencer aujourd'hui bi'idhnillah surat Al-Sharh, qui est la surat numéro 94. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bismillahir Rahmanir Rahim »« Alam nashrah laka sadrak » Qala Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinan ni'matahu ala nabihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Alam nashrah laka sadrak » Wa hadha al-istifham يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا ويرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد، ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد، أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرونا بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie son bienfait et sa faveur qu'il a donné à son messager, à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Ne t'avons-nous pas élargi pour toi ta poitrine? Et ceci est une question afin de confirmer. C'est une question. N'avons-nous pas أَلَمْ. Les savants de l'islam, du tafsir, ont dit c'est une question pour affirmer, pour confirmer. Et les questions affirmatives ou les questions qui ont pour but de confirmer dans le Coran sont très nombreuses. Et ici, comme vous pouvez le voir, le verbe, pour ceux qui connaissent l'arabe, il est au mudari, au présent. Mais ce qui est sous-entendu, c'est le verbe au passé. Et c'est le verbe au passé avec le mot « qad » en arabe. C'est-à-dire que alam nashrah laka, le sens c'est sous-entendu, c'est qad sharahna laka. C'est-à-dire nous avons certes élargi ou hein, ouvert ou épanoui pour toi ta poitrine. Que Allah subhanahu wa ta'ala ici il affirme, il confirme hein, qu'il a hein, élargi la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi est dans l'ensemble hein, des versets dans le Coran où il y a une question qui vient confirmer, qui vient affirmer hein, ce qui est sous-entendu, c'est le verbe au passé. C'est-à-dire, et le verbe passé avec le mot qad. Hein? C'est-à-dire que ça c'est terminé, c'est fini, ils l'ont fait. Ça a été fait. Et Allah Azza wa Jalla, il a élargi la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on met qad, le mot qad, qaf del, devant le verbe au passé, mada yufid, ou mada tufid, al-tahqiq. Al-tawqid, al-tahqiq, yani le fait que ça s'est vraiment passé, sans aucune hésitation. D'accord ? Donc là, Allah Azza wa Jalla, il questionne, mais il ne questionne pas parce qu'il veut une réponse. Pas parce qu'il ne sait pas, a'udhu billah min al-kalam. Allah, sa science est parfaite et rien n'échappe à sa science. Mais il questionne afin d'affirmer, de confirmer. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas hein, élargi pour toi ta poitrine hein? Et ici, bien sûr, hein, comme ici le Cheikh Al-Uthaymeen ne le mentionne pas, on l'a déjà mentionné auparavant, Allah Azza wa Jalla dit nous. Hein? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont plusieurs. A'udhu billah, Allah est seul et unique. Hein? Mais nous, min babi, at-ta'zim, hein? Afin de glorifier, d'honorer Allah Azza wa Jal. Comme ce procédé est utilisé dans d'autres langues. N'est-ce pas que le roi, hein, par exemple, un roi d'un pays va dire « Nous avons fait ça en parlant de lui-même. Hein? Nous avons conquéri tel pays. » Il parle de lui, de ce qu'il a fait lui. Parce que hein, pour se glorifier, pour s'honorer. Donc Allah Azza wa Jal, le roi des rois, hein, utilise ce procédé dans le Coran. يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. Et donc ici Allah عز وجل mentionne, il utilise le verbe نشرح بمعنى qui signifie نوسعه, yani on élargit, on agrandit ta poitrine. Hein? Et donc ici, hein, c'est un élargissement au sens, un est figuré, et non pas au sens propre, hein, où la poitrine est... Non, c'est au sens figuré. Il a élargi pour lui sa poitrine. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل بنوعه. Et donc, le fait d'élargir, d'épanouir la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'élargir hein, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sous ses différentes formes. Wa hukmu Allah shar'i. Wa huwa ad-din. Et donc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à légiférer, c'est quoi? C'est la religion, ad-din. Wa hukmu Allah al-qadari. Wa huwa al-masa'ib allati tahduthu ala l'insan. Et il y a le jugement d'Allah, un qadari, c'est-à-dire ce sont les hein, toutes les épreuves qui va arriver à la personne. Donc le jugement d'Allah, il est soit shari, il est soit qadari. C'est-à-dire soit c'est le jugement d'Allah concernant la législation, la religion, soit c'est le jugement d'Allah, c'est-à-dire dans les épreuves hein, qui va toucher la personne. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى مخالفة للهوى فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله وثقلا في اجتناب محارم الله محارم الله. Et ceci, mes frères, hein, parce que la législation, il y a dans celle-ci, hein, une opposition aux passions de la personne, à ses passions. Et la personne, elle va trouver lourde le fait d'accomplir et d'appliquer les ordres d'Allah. Et elle va trouver lourde le fait de s'écarter des interdits d'Allah Azza wa Jal. لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِهَوَى النَّفْسِ. Pourquoi ? Parce que les ordres d'Allah et les interdits d'Allah sont à l'opposé des passions de l'âme, de ta propre personne. وَالنَّفْسُ الْأَمَارَ بِالسُّوءُ لَا تَنْشَرَحُ لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَلَا لِنَوَاهِهِ. Et l'âme qui est guidée par le mal, elle ne va pas ouvrir ou épanouir ou agrandir ou élargir la poitrine de la personne concernant les ordres d'Allah et ses interdits. Tajidu ba'd an-nas tuthqal 'alayhi as-salah. كما قال الله تعالى في المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. Tu trouves certaines personnes, la prière est lourde pour eux, elle est difficile, c'est lourd sur leurs épaules. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit concernant les hypocrites, et ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent en étant paresseux, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَغِفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ مَنْ تُغَفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ بَلْ يَشْتَاقُ إِلَيْهَا وَيَتَرَقَّبْ حُصُولُهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et d'autres gens, au contraire, la prière va être légère, mais même plus, la prière va leur manquer. Ils vont désirer fortement que la prière arrive pour l'accomplir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière m'a été rendue comme la prunelle de mes yeux, comme l'a rapporté l'imam Ahmed. Idhan fash-shar' fihi thaqal 'ala an-nufus. كاجتناب المحرمات فبعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا والشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه. ومن الناس من يشرح صدر من ينش ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. Il dit, certaines personnes donc, ils vont être poussés aux choses interdites, comme la fornication, ou comme le fait de boire de l'alcool, ou ces choses qui y ressemblent. Et donc la législation va être dure pour eux, ça va être lourd. Et au contraire, certaines personnes, leur poitrine a été élargie, ouverte à la législation d'Allah, et ils s'écartent de ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. وانظر إلى يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام لما دعته من امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والمكان آمن أن يدخل أحد. غلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله استعاذ بربه لأن هذه حال حرجة شاب وامرأة ومكان خال وآمن وإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن أرها برهان ربه. Et regardez, regardez le récit de Youssouf alayhi salam. Et vous le connaissez tous, le récit de Youssouf. Lorsque la femme de l'Aziz l'a appelé, après qu'elle ait fermé les portes, hein, ici l'ulema, hein, il a dit, ils ont dit quoi? Ghallaqa. Hein, le verbe ghallaqa, qui a un sens de quoi? Fermer. Mais fermer plusieurs fois, yani, pas fermer juste le crochet, fermer, hein, de façon exagérée. Ala waz fa'ala, hein, siratu al-mubaraka, yani, le fait de le fermer de façon, hein, exagérée. Elle a fermé les portes. À tel point que personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Elle a dit, hein, elle a dit, allez, viens. Hein? Et elle s'est préparée avec les plus beaux habits. Elle s'est mise sous sa plus belle forme. L'endroit est sûr. De la mesure où personne ne peut rentrer, personne ne peut venir. Toutes les portes sont fermées. Et elle l'appelle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il cherche protection auprès de son Seigneur. Car il sait qu'il est dans une situation grave. Un jeune homme avec la femme de l'Aziz. L'endroit est vide. Sûr, personne ne peut venir. Personne ne peut les voir. Et l'être humain, hein, ou plutôt la personne, c'est un être humain. Il est possible que ça, son âme, hein, le pousse ou le ou lui souffle ou l'encourage à faire ce qu'il ne veut, ce qu'il ne doit pas faire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Yusuf au sens approché, hein, et elle le désirait fortement. Et il l'aurait désiré fortement si Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ne lui avait pas montré, hein, ou si là aussi une preuve évidente de son Seigneur ne l'aurait pas été montrée. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلمهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Également, il mentionne, hein, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sept personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra sous son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre excepté son ombre à lui subhanahu wa ta'ala. Un imam juste, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, un homme dont son cœur est rattaché aux mosquées, ça fait trois, un homme dont une femme, hein, belle et qui a une bonne lignée, l'appelle à faire le haram, et lui il dit quoi? Je crains Allah Azza wa Jalla. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont retrouvés ou regroupés, ils se sont retrouvés pour Allah et ils se sont quittés pour Allah. Un homme qui donne en sadaqa de façon secrète, cachée, à tel point que sa main gauche ne sait pas ce qu'a sa main droite à dépenser. Et enfin, un homme qui mentionne Allah Azza wa Jal à tel point que ses yeux se mettent à pleurer. وشاهد من هذا قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني Akhafullah. Et ce qui est voulu ici, hein, c'est cet homme dont une femme, hein, belle et qui a une belle lignée, une bonne lignée, l'appelle. Hein, il lui dit, je crains Allah. فشرح الصدر للحكم للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله أو امتثاله وامتثاله طبعا وأن يقول القائل سمعنا وأطعنا وأنت بنفسك أحيانا تجد قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وإنقياد وإنقياد وإنقياد وتمأنينة ورضا وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت فإذا كان هذا الاختلاف في شخص في شخص واحد فما بالك بالأشخاص. Et donc ici cet homme, sa poitrine a été élargie, hein, concernant le jugement légiféré, le jugement de la législation, de la religion, c'est-à-dire qu'il a accepté, le jugement religieux, il l'a agréé et il a obéi. Il a fait partie de ceux qui disent on a entendu et on a obéi. Et même toi, de temps en temps, tu remarques cela. Tu remarques des fois dans ton cœur, hein, un épanouissement, dans ton cœur un élargissement pour l'adoration. Tu fais les adorations avec facilité, avec soumission, avec apaisement, avec agrément. Et des fois l'inverse. Des fois c'est l'inverse. Si tu n'avais pas peur de tomber dans le péché, tu ne le ferais pas. Tu ne ferais pas cette adoration, mais tu as peur du péché. Alors si cette différence de situation, hein, se retrouve dans une seule et même personne, que dire alors dans toutes les personnes, hein? Il n'y que dire que certaines personnes craignent plus Allah que d'autres, que certaines, c'est plus facile pour eux que de faire les adorations que les autres, etc. وَأَمَّا إِنْشْرَاحُ الصَّدْرِ لِلْحُكْمِ الْقَدَرِ فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره مطمئنا إليه يقول أنا عبد والله ربي والله رب يفعل ما يشاء هذا الرجل الذي على هذا الحال سيكون دائما في السرور لا يهتم ولا يهتم هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل همًا أو غمًا ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وإن أصابته Sarra shakara fakana khayran lahu wal hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Et donc tu vas trouver dans l'épanouissement ou dans l'élargissement de la poitrine concernant, hein, le jugement d'Allah qadari, hein, ce qui se passe dans l'existence, c'est-à-dire que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir la poitrine ou va lui élargir la poitrine dans les jugements ou dans ce qui se passe dans l'existence, ni dans les épreuves qui le touchent. Et tu le vois, il est touché par les épreuves, mais il est soumis, il agrée ce qui lui arrive. Il accepte ce qui lui arrive. Il accepte le destin et la prédestination qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Il est apaisé avec celle-ci. Et il dit, je suis qu'un serviteur. Et Allah, c'est le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Tu vois cet homme dans cette situation pénible. Mais il accepte le destin. Et s'il fait cela, alors il sera toujours dans un bonheur continuel. Il ne regrettera rien. Il n'aura pas de tristesse. Tu vas le voir en train de souffrir. Mais hein, la tristesse et le regret, le chagrin ne l'atteint pas. Alors qu'il est en train de souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est le qadar, il sait que c'est le destin et il accepte. Et donc, ceci nous rappelle le hadith authentique rapporté hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit qu'elle est, ou l'affaire du croyant est étonnante. Dans toute chose, il y a un bien pour lui. Et ceci est unique au croyant. Il n'y a que le croyant qui a cela. Pourquoi ? Si un mal le touche, alors il patiente. Et ceci est meilleur pour lui. Au contraire, hein, si un bien ou si une facilité le touche, alors il remercie. Il remercie Allah. Et ceci est meilleur pour lui. Quoi qu'il arrive, t'as gagné. Quoi qu'il arrive, t'as gagné. Si Allah te fait don de ses faveurs, tashkurullah, tu remercies Allah. Et tu remercies ton Créateur et ton Seigneur. Et t'as gagné, c'est ça le mieux. Si t'es touché par les épreuves, alors tu patientes. Tu patientes et t'attends la délivrance venant d'Allah. Et tu espères sa récompense. Et ça, c'est le meilleur pour toi. Et ça, c'est donné qu'aux croyants. Regardez mes frères et mes créants. Hein? Si une épreuve les touche, ils tombent dans l'alcool. Ils tombent dans la violence. Ils tombent dans l'injustice. Et même, ils tombent où ? Au suicide. Hein? Combien de personnes qui ont tout ce qu'ils veulent dans cette dunya ? Ils ont la richesse. Ils ont les biens. Hein, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont même tout ce qu'ils désirent, ils l'ont. Et tu entends qu'il s'est suicidé. Tu entends qu'il s'est suicidé. Parce qu'il n'a pas cette foi du croyant. Hein? Et subhanallah, je pense que je vous avais déjà raconté, même on peut le répéter pour ceux qui n'étaient pas là, hein? Un des prédicateurs anglophones, Abu Khadija, hein, nous a raconté un jour qu'il est parti faire da'wa hein, en Jamaïque. Et donc il a été reçu par un frère en Jamaïque qui l'a aidé dans son voyage. Et il a aperçu que ce frère, partout où il va, les gens viennent, le saluent, le respectent, l'honorent. Mais c'est pas juste dans le quartier, c'est partout. Quelque chose d'un peu d'étrange. Alors il s'adresse à lui. C'est quoi ton histoire ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il dit, je vais t'expliquer. Il lui dit, avant l'islam, j'étais un trafiquant de drogue. J'allais en Colombie en avion privé, j'achetais la drogue et je venais en Jamaïque, je payais la police pour qu'ils ferment les autoroutes, j'atterrissais sur la route et je revendais toute ma drogue aux États-Unis. J'avais des villas à Miami. J'avais toutes les femmes que je voulais. J'avais les voitures, j'avais tout ce que je voulais. Mais wallah, j'étais pas heureux. J'étais pas bien. Je ne me sentais pas bien dans ma vie. Puis j'ai été attrapé par la police. Et j'étais en prison. J'ai tout perdu. Tout. Mais en prison, un frère m'a appelé à l'islam et je me suis converti à l'islam. Et j'ai trouvé le vrai bonheur que je n'avais jamais connu. Ainsi est la douceur et le bonheur de la foi qui n'a aucune équivalence. Donc le musulman, le croyant, dans toute situation, il est vainqueur. S'il souffre, s'il est touché par les épreuves, il patiente et il espère la récompense d'Allah. Le prophète Ayoub, alayhi salam, combien de temps il a patienté sur la maladie ? 18 ans. 18 ans, il patiente dans la maladie. Toutes les parties de son corps sont touchées par la maladie, excepté sa langue et son cœur, afin qu'il puisse faire le rappel d'Allah. Tout le monde l'a délaissé, excepté son épouse. Sinon, tout le monde l'a délaissé. Il a perdu ses biens alors qu'il était riche. Il a tout perdu pendant 18 ans. Bilal alaykoum, mes frères, 18 ans. Comment on est, nous, après 3 jours de maladie ? Hein ? On a l'impression que ça fait des années qu'on est en train de souffrir. Tellement qu'on se plaint, tellement qu'on hein, on ne sait plus quoi faire, etc. Lui, Ayoub, alayhi salam, 18 années, a patienté. Et en plus, nous, quand on est malade, alhamdoulilah, nos familles sont toujours à nos côtés et nous soutiennent, on a toujours nos biens, alhamdoulilah. Lui, il a tout perdu. À tel point, il était noble, sa femme était noble, à tel point que sa femme devait partir travailler comme un domestique pour subvenir aux besoins de son mari. Imaginez-vous, mes frères, l'épreuve. Imaginez-vous l'épreuve qu'aucun de nous ne pourrait supporter. Mais Ayoub était patient et reconnaissant. Il n'a pas délaissé le dhikr d'Allah Azza wa Jal jusqu'à Allah Azza wa Jal le délivre. Al-Muhim. Idhan, shalah al-sadr, ya'ni tawassa'athu wa tahayyathu li ahkam Allah al-shar'iyya wal-qadariyya. لا يضيق بأحكام الله ذرعا إطلاقا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من ذلك ولهذا تجد أتقى الناس لله سبحانه وتعالى وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدر الله عز وجل ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة وماذا يصيبه من الأمراض حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا يعني أن المرض يشدد عليه يعني كالرجلين منا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم وحتى أنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليه لهذا تجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم الصالحين. Et donc Allah Azza wa Jal, il a élargi la poitrine, il a élargi la poitrine de son serviteur, au jugement, qu'il soit les jugements religieux ou les jugements de l'existence ni de, des épreuves qui le touchent. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple parfait de cela. C'est pour ça que tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus pieuse auprès d'Allah azza wa jal. C'est celui qui était le plus ardent dans le fait d'obéir à Allah azza wa jal. C'est lui qui patientait le plus sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce que les gens lui ont fait. Subhanallah, celui qui étudie la sirah remarquera les épreuves très difficiles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier devant la Kaaba et un des mouchriquins est venu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en soujoud et a déversé sur lui les entrailles d'une chamelle. Yom el-Eid était il n'y a pas très longtemps. Quand vous avez ouvert le mouton, vous avez senti l'odeur. Vous avez senti cette odeur nauséabonde. Et quelque chose qui est dégoûtant, répugnant. Et c'est seulement un mouton. Imaginez-vous une chamelle qui était jetée sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état de soujoud devant tout le monde. Quelle épreuve, quelle humiliation qu'il a subie, mais il a été patient. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, un autre des mouchriquins est venu et l'a étranglé avec son habit, jusqu'à ce que Abu Bakr vienne pour le secourir. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la bataille de Uhud, ses dents ont été cassées, son casque est rentré dans sa joue, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à Taïf, les enfants lui ont jeté des cailloux et l'ont blessé à la tête et l'ont insulté. Et lorsque l'ange Jibril est venu et lui a dit, il y a l'ange des montagnes qui attend ton ordre pour les anéantir tous, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-les. Bilal alaykoum mes frères, si vous aurez vécu ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que vous les aurez tous anéantis? N'est-ce pas que vous aurez pris du plaisir à les anéantir, ces gens-là? Des fois, un musulman te fait un mal, tu veux son anéantissement. Tu veux qu'il soit humilié. Tu veux qu'il soit mis plus bas que terre. Parce qu'il t'a fait un mal dans la dunya. Il t'a fait un mal dans la dunya, tu veux sa perte. Tu veux sa perte. Tu veux l'humilier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été humilié. Il a été victime d'injustice et de préjudice pour la religion, pas pour les choses de la dunya, pour les choses de la religion. Malgré ceci, il les a laissés. Et il a dit, il se peut que de leur descendance viennent des croyants. Et c'est ce qu'il y a eu. N'est-ce pas que le jour de la conquête de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il aurait pu exécuter tous ceux qui lui avaient fait du mal. Mais il leur a dit quoi? Vaquez, allez-y, en paix, vous êtes aujourd'hui pardonnés. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus patiente des personnes? N'est-ce pas que c'est la personne la plus pieuse, sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par des maladies? Il a été empoisonné. Il a été victime de sorcellerie, sallallahu alayhi wa sallam. Et la maladie de sa mort a été terrible. Il a souffert de longues journées, sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, mentionne, lorsqu'il est parti le visiter, il sentait la chaleur du corps par-dessus la couverture, tellement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait de la fièvre. Il ne pouvait même pas se lever pour la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ceci, il patientait et il acceptait le qadar d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par la maladie. L'équivalent de deux hommes d'entre nous. En effet, il est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il souffrait de la maladie. Il a dit, ô messager d'Allah, tu souffres d'une maladie très difficile. Il a dit, ainsi, c'est ainsi pour moi. Je suis touché par la maladie de deux hommes d'entre vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la maladie de sa mort, jusqu'à qu'il quitte cette dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus patient des patients. Il y a une patience avec un degré élevé, un haut degré. Une patience qui a été provoquée par une chose réelle, une chose vraiment où il faut de la patience. Pas comme un petit truc, comme d'une fois nous arrive, nous arrive un petit problème dans notre vie. Ça y est, on pleure, on se morfonde. Pourquoi moi? On se tire les cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que quelque chose de minime. Quelque chose que... Il n'y a même pas besoin de patienter. Allez, c'est une chose... Allez, insignifiante. Wallahu al-musta'an. Est-ce combien de temps? 2 minutes. 4 minutes. il faut savoir, mes frères. Al-Muhim, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après on va commencer l'explication des autres versets qui se suivent. Et après ça va suivre et donc on va pas couper, on fera la semaine prochaine. On expliquera ça d'un seul coup, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va se contenter de ça pour aujourd'hui. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نعم يا أخي